Bonjour à tous. Aujourd'hui, une suggestion pour la Saint-Valentin. Escalope de foie gras de canard chaud, zeste de citron confit pour deux personnes. Deux escalopes de foie gras cru de 150 g, un citron jaune, 75 g de sucre, 20 g de farine, 25 cl de jus de canard ou de volaille, du sel et du poivre. À l'aide d'un économe, faire les zestes de citron, les tailler en fines juliennes, les plonger dans une casserole d'eau bouillante, une ébullition, les rafraîchir et recommencer deux fois. Mettre 50 g de sucre plus 5 cl d'eau dans une petite casserole, porter à ébullition, ajouter les zestes et laisser confire tout doucement une heure en moyenne. Égoutter, réserver zeste plus jus de cuisson. Assaisonner, fariner le foie gras, cuire dans une poêle bien chaude, sans matière grasse, 2 minutes de chaque côté. Mettre sur le papier absorbant au chaud. Verser dans la poêle de cuisson le jus de citron, le sucre restant. Laisser caraméliser, ajouter jus de canard, réduire de moitié, passer au chinois. Dresser une escalope sur assiette chaude, plus les zestes de citron, napper de sauce et servir aussitôt. Un petit vin conseillé, un sauterne blanc à boire avec modération.